mon improbable amour. Il était déjà tard, le vent gris du hasard soufflait sur notre automne. Mon amour, mon improbable amour, le soir allait brûler les dernières clartés des espoirs qu'on se donne. Mon amour, mon improbable amour, rien ne nous destinait, surtout pas, tu le sais, la bêtise des hommes. Mon amour, mon impensable amour, mais toi tu es venu, messagère imprévue de l'amour qui se nomme. Mon amour, mon incroyable amour, toi qui vas de la nuit pour faire chanter la vie, pour faire chanter mes jours, mon amour. Improbable amour, si nous venions tous deux par des chemins frileux, pavés d'incertitude. Mon amour, mon improbable amour, il nous reste à bâtir un monde, un avenir peuplé de certitudes. Mon amour, mon improbable amour, nous avons joué sur de rugueux claviers de trop pauvres rengaines. Mon amour, mon impensable amour, il nous reste à chanter les plus belles chansons et les plus beaux poèmes. Mon amour, mon incroyable amour, je t'aime et te bénis, toi qui vins de la nuit pour éclairer mes jours, mon amour. Vavender.